il est 13h30 passées. Voilà donc, eh bien, bienvenue à vous tous si vous prenez l'écoute et aussi bienvenue. Tout simplement avec l'émission Souvenir jusqu'à 16h. Très heureux donc de vous retrouver. Et donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et très bonne matinée. Voici donc, eh bien, pour l'après-midi du vendredi après-midi, donc, ce sont les chansons souvenirs et on va débuter l'émission tout simplement avec, elle s'appelle Lise Assia et son titre Refrain. Tire d'elle et sur les toits de mon ennui coule la pluie. Où sont parties les caravelles volant mon cœur, portant mes rêves vers ton oubli? J'aurais voulu que tu reviennes comme jadis, porter des fleurs à ma persienne et ta jeunesse en mon logis. De mes 20 ans, chagrin, mélancolie de n'être plus enfant, mais seul et loin de toi, par les chemins où tu n'es pas, je vais avant mes amours de 20 ans. Josephine Baker avec Paris, mes amours. Et tes chansons légères vont tout droit dans

j'abandonnais la cargaison pour une fille de Madère que j'ai suivie dans sa maison. Mais moi qui rêvais aventure, dont José Carmen est luxure, je suis encore valet de chambre. Alors de janvier à décembre, quelles sont chaussettes, souliers, gilets, chemises? Je brosse, je repasse, je nettoie, je recouche, je reprise. Ça me neurasthénise. J'avais rêvé la vie des châtelains. Hélas, quelle méprise! Pas d'amour, pas d'amis, partout le dédain. Gabi de l'issue me martyrise. Daisy, Marie, Nini font faire leur lit. Le patron me terrorise. Que tu lâches des affranchis, quelles sont chaussettes, souliers, gilets, chemises. Voici donc que s'appelle tout simplement Yves Montand et son titre Je suis venu à pied. Venu des quatre coins de Paris, voilà ce soir réunis. Mesdames, messieurs, bonsoir à vous. C'est gentil d'être venu chez nous. Chacun du mieux qu'il a pu a pris un fiacre ou l'autobus. Certains sont venus en auto, beaucoup d'autres ont pris le métro. Je suis venu à pied, doucement, sans me presser de marcher, à pied, à pied. J'étais sûr de vous trouver, je ne me suis donc pas pressé, en marchant, à pied, dans la rue. Faisait bon, je me fredonnais une chanson avec le dessous de mes talons. J'aurais pu sans me fatiguer traverser Paris entier en marchant à pied, j'aime déambuler au hasard. Je vais partout, je ne vais nulle part, mais simplement pour voir des rues, les belles boutiques sur les avenues, et les filles aux sourires gracieux, pendues au bras de leurs amoureux, les crieurs de journaux du soir, les enfants qui jouent dans l'espoir. Parce que la vie peut être belle, y a des filles en ribambelle tout autour, mais se mêlent. Je me sens si léger, léger, je voudrais toutes les embrasser, mais je suis toujours roulé. J'espère un jour rencontrer le vrai bonheur à la portée du bout de l'un de mes souliers. Je suis sûr de le trouver, quitte à faire le monde entier en marchant à pied, en marchant à pied. Tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Donc, si vous aimez les balles, et bien voici donc Edith Piaf avec les balles tout simplement de l'agence et juste après Colette Dorian. le grand soleil joue aux boules avec les pommiers fleuris. Le bal devant l'eau qui coule rabâche des airs de Paris. Danse, danse au bal de la chance, danse, danse ma rêverie. Les parasols sur la berge en geste lent saluent d'une révérence les chalands, tandis qu'une fille danse dans les bras d'un marinier. Et le ciel fait mais l'amour n'est pas le dernier. Danse, danse au bal de la chance, danse, danse au ciel pour ma tanière. Le vent tournant dans les feuilles des bosquets avec le chant des pinceaux fait des bouquets. Mais elle des mots d'amour si vulgaires qu'ils font rire au ciel les pinsons. Danse, danse au bal de la chance, danse, danse avec ma chanson. Je pense encore à ce jour de l'an dernier, sur mon épaule mon rêve est prisonnier. Cela n'a ni queue ni tête, pourtant j'ai le cœur bien gros. Pour les marins en goguette, l'amour ça coule au fil de l'eau. Danse, danse au bal de la chance, danse, danse mon cœur. On bosse toute la semaine et le dimanche c'est un paradis. C'est la fête à la Sainte Plaine, le plumard jusqu'à midi. Robe de chambre et cheveux dans les yeux, je peux m'étendre en travers de mon pieu. Mon Jules, que ça chagrine, il est boulot comme pain. Il saute du lit des matines, il prétend que c'est plus sain. En casquette et manches retroussées, rien. Vers midi et demi, il se plante devant moi d'un air furieux. Je prends ma mine repentante, je lui dis qu'il est merveilleux. Les dredons et le temps passe donc la croyère, pardon, pas la croyère, si, au paradis, la croyade avec tout simplement Woody et Rigouyen, voilà, tout simplement. Nous avions quitté un Paris, tout gris, tout gris, tout gris, ce n'est qu'en sortir de Valence, que le mistral, fils de Provence, a balayé le ciel de plomb. Songea de nous, croisière au paradis, les portes du midi s'ouvrent pour nous, et tout d'un coup, tout est splendide. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, les oliviers, arc-en-ciel, les pins et les murs, arc-en-ciel. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, ouvre le bal, arc-en-ciel, l'été. Là-bas, voilà les arc-en-ciel, montagnettes, où jusqu'au clair matin, a bondi dans le teint la chèvre à Monsieur Seguin. Arc-en-ciel, ici, voici les sœurs cadettes, des belles moléros qui dansaient sur le pont de d'Avignon. Voyage de ferry, mille jours, mille nuits, chacun voudrait te voir durer, croisière au paradis. Blanche, sous les lèvres d'une contre mon corps, nous disions je t'adore au long des îles d'or. La nuit enfilait une étoile sur le sable soyeux. Donc le titre s'appelle tout simplement Chanteville avec Luc Barnier. Un poète aimait une fillette, la fillette était belle comme le jour. Le poète, le cœur tout en fête, à tue-tête chantait son amour. Chantons, chantons, chantons partout, nos serments, nos baisers, nos caresses. Chantons, chantons, chantons partout, mon aimé, ma douceur, ma tendresse. Chantons le matin, chantons le soir, nos soupirs, nos désirs, nos risettes. Dans ma chambre ou sur les trottoirs, chantons tout ce qui nous passe par la tête. Il chantait en se rasant, il chantait en déjeunant, il chantait en travaillant, il chantait également le soir en se couchant. Chantons, chantons, chantons partout, en plein air ou bien à domicile. Chantons, chantons, chantons partout, chante cœur, chante ciel, chante ville. Dans la rue, toutes les midinettes ont repris ce refrain entraînant, et de braves agents à roues flaquettes, nonobstant, ont fait le contre-chant. Chantons, chantons, chantons partout. Chantons, chantons, chantons partout. Ce petit air si facile qui se faufile partout dans les jardins publics, les enfants, les soldats, les soubrettes, et dans les endroits les plus chics, d'où le monde le chantait à tue-tête. On chantait en se promenant, on chantait en se saluant, on chantait en bavardant, et les gens pas contents chantaient en s'injuriant. Chantons, chantons, chantons partout, à deux voix, à cent voix, à cent mille. Chantons, chantons, chantons partout, chante rue, chante place, chante ville. Chantons, chantons, chantons partout, à pleine voix sur les toits de la ville. Chantons, chantons, chantons partout, chantez vos, chantez clair, chantez vite. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc les émissions pour ce soir et ce week-end, donc samedi. Voilà, donc à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver l'émission de Manuel pour l'émission Découverte, juste après, entre 19h jusqu'à 22h, avec Albino, l'émission Morica. Et puis demain, à partir de 9h jusqu'à midi, avec Christine, avec Porte, l'émission Portugal, nous Corésiens. Et puis, dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h, avec Carla. Et après, entre 16h et 18h, ils sont deux pour l'émission Noche Faminka, avec Julien et Louis. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec Rina Ketty, avec le titre qui s'appelle Sambero des lentilles. Je revois les grands sombreros et les mantilles. J'entends les airs de fandangos et ségadilles. Chantent les señoritas si brunes, quand lui sur la plaza la lune. Je revois dans un boléro sous la charmille voici donc Gloria Lasso qui nous amène du côté des îles. Croulant sous les fleurs et sur la rive le petit port éclate à mille couleurs. On a perdu ce valise lorsque repart le bateau, mais là nul ne s'en formalise. Fruits mûrs au soleil, leur évangile c'est de s'aimer, leur paradis le sommeil. Personne ne se dépêche, on peut y vivre aisément. Pour quatre poissons que l'on pêche, c'est dix qu'on vous offre gentiment. Prend tout pour lui sans façon, mais il vous offre une sieste dès qu'il vous a regardé. Ici, ça nous semble un peu leste. Là-bas, ça ne vient pas à l'idée. À quelle est douce la vie là-bas. Simon Moine voulait danser, Simon Moine voulait danser. Un capuchon je lui donnerais, un capuchon je lui donnerais. Danse mon moine, danse, tu n'entends pas la danse. Tu n'entends pas mon moulin non là, tu n'entends pas mon moulin marcher. Ah Simon Moine voulait danser, Simon Moine voulait danser. Un ceinturon je lui donnerais, un ceinturon je lui donnerais. Danse mon moine, danse, tu n'entends pas la danse. Tu n'entends pas mon moulin non là, tu n'entends pas mon moulin marcher. Ah Simon Moine voulait danser, Simon Moine voulait danser. Un chapelet je lui donnerais, un chapelet je lui donnerais. Danse mon moine, danse, tu n'entends pas la danse. Tu n'entends pas mon moulin non là, tu n'entends pas mon moulin marcher. Ah Simon Moine voulait danser, Simon Moine voulait danser. Un froc de bure je lui donnerais, un froc de bure je lui donnerais. Danse, tu n'entends pas la danse. Tu n'entends pas mon moulin Lola. Tu n'entends pas mon moulin marcher. Ah Simon Moine voulait danser. Ah Simon Moine voulait danser. Un beau psautier je lui donnerai. Un beau psautier je lui donnerai. Danse mon moine, danse. Tu n'entends pas la danse. Tu n'entends pas mon moulin Lola. Tu n'entends pas mon moulin marcher. S'il n'avait fait de pauvreté, s'il n'avait fait de pauvreté. Il y a d'autres choses, je lui donnerai, il y a d'autres choses, je lui donnerai. Danse, mon moine, danse, tu n'entends pas la danse. Tu n'entends pas mon moulin non là, tu n'entends pas mon moulin marcher. Aïe, aïe, aïe.

toi les souveraines du monde nouveau. On oublie tout sous les beaux ciels de Mexico. On devient pauvre au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, venez goûter une semaine de l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Chaque jour, Mexico, Mexico. Tes femmes sont ardentes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Une aventure mexicaine sous les beaux ciels de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre bolero. Puis la deuxième on se déchaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop. Le soleil de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la belle de pouvoir prendre le bateau, venez écouter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Sous ton soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico. De l'amour. Mexico, Mexico, Mexico, Mexico. Mexico. L'aventure en printemps, la vie chante tous ses dents. Zézette, Zézette, c'est le nom de la belle enfant. Nous dansons le cœur tombé, un charleston endiablé. Zézette, inquiète, soudain s'est accroyé. Son pantalon si coquet, venait glisser sur le parquet. Zézette, c'est bête, ne plus jamais le retrouver. Jugé si dans la salle, c'est un rire général. Pendant que l'orchestre jouait, tout le monde lui chantait. Elle a perdu son pantalon, tout en dansant le charleston. Vraiment pour la pauvre enfant, c'est une sale affaire, car c'est un souvenir qui lui vient de sa grand-mère. Elle a perdu son pantalon, tout en dansant le charleston. Celui qui le trouvera, il lui rapportera, l'embrassera, lui chanta ou bien l'autre part, enlevez-la. Comme ce refrain réussi à chasser tous les soucis. La terre entière fredonne cette scie. Tenez même mon perroquet, à son tour s'en est toqué. Comique, typique, il en perd son caquet. L'autre soir, dans mon couloir, une belle aux grands yeux noirs, brunette, coquette, est tombée sur le trottoir. En la voyant par terre, avec les jambes en l'air, Jacques devant ce tableau lui chante tout aussitôt. Elle a perdu son pantalon, tout en dansant le charleston. Vraiment pour la pauvre enfant, c'est tout ça l'affaire, car c'est un souvenir qui lui vient de sa grand-mère. Elle a perdu son pantalon, tout en dansant le charleston. Celui qui le trouvera, il lui rapportera, l'embrassera, le chantera ou bien l'autre part, le vénard. Donc, ça s'appelle tout simplement Vicky Otter, le titre Que j'aime. Disons, je t'aime. Je t'aime, je ne vis dans ce monde que pour la seconde où je suis avec toi. Et lorsque tu frôles seulement mes épaules, j'ai le cœur qui s'arrête. Je suis toute prête à tomber dans tes bras. J'ai le front brûlant de fièvre, sitôt que dans l'ombre tu serres ma taille. Il suffit que sur mes lèvres je sente tes lèvres pour que je défaille. Que je t'aime, mon amour. Pas beaucoup, je le pense, sur terre ont la chance d'aimer comme moi. Souvent je me répète que je devrais être plus forte sans doute. Mais c'est comme une tempête qui passe et m'emporte dès que je t'écoute. Voici donc la Java des étoiles avec Lynn Vella. Quand le soir descend sur Paris, qu'aux ombres de la nuit s'accrochent les étoiles Et quand l'araignée amour sur les cœurs d'alentour fixe sa rude étoile, à l'heure où les fous tremblants de la mariée en blanc déchirent enfin le voile, de la Villette au boulevard, l'accordéon bavard lance de toutes parts. La java du faubourg jusqu'au fond des cours, la java de l'amour sous la lune, la java des bons mecs, œil de flamme et cœur sec, qui la tourne avec leur chacune. La java de l'oubli qui roule et qui finit au petit jour dans un lit de fortune. La java sans façon qui donne le grand frisson à l'ison et au mauvais garçon. Hop, sur le rythme obsédant, les filles et leurs amants se jettent dans la danse. Sous l'éclairage brutal, on voit tourner le bal comme une roue immense. Jalousie, bonheur, amour, tout y passe à son tour, c'est la roue de la chance. Et pour étouffer vos cris, voici cœurs incompris en un grand pot pourri. La java des mordus, la java des tordus, la java des pendus sous la lune. La java des pommiers, la java des cavés, la java des paumés de la fortune. La java des coteaux et du bon populo qui semble aux aristos aux fortunes. Quand la cise est michée, qui s'aiguise en fauché pour gâcher dans la rue des bouchers. De la nuit, on entend l'affreux cri d'une fille qu'on assassine. Là-bas, dans une rue sans nom, on silence profond près d'une masure en ruine. La mort, ce triste passant, fit une fleur de sang à sa douce poitrine. Oh, cette femme qui s'éteint très doucement parvient et cause un bal lointain. La java est vivante, qu'as-tu fait, mon amant? Est-ce toi qui m'attends sous la lune? Mais la mort dit tout bas, je t'appelle, suis-moi, il faut franchir le pas sans recul. Pauvre cœur a raté, si la vie t'a blessé, moi je viens te bercer au fortune. Ici va, tout s'en va, viens la belle dans mes bras, une, deux, trois, en tentant la java. Voici donc les vacances aux filles, tout simplement bleu, avec Marie-Josée. Sous ce joli ciel tout bleu, que l'acropole est merveilleux, mais qu'il est triste de quitter l'amour, son amour, sans espoir de retour. Des vacances au pays bleu, si bleu, ce sont des instants merveilleux. Un seul baiser donne la fièvre au pays bleu. Dommage. Est merveilleux, mais qu'il est triste de quitter l'amour, son amour, sans espoir de retour. Moi, je n'oublierai jamais ses yeux, je n'en ai jamais vu si bleu. Je n'oublierai jamais ses lèvres, avec lui, j'étais si bien. Je n'oublierai jamais ses lèvres, avec lui j'étais si bien. Avec le cœur sur la mer. Mmh. rêver d'aller vers le soleil, vous rêvez d'avoir le teint vermeil. N'allez pas vers des pays perdus, c'est trop loin, Honolulu. Allez dans un petit port de chez nous. Venez, c'est un gai rendez-vous. À quelle plage, quel paysage, vous trouverez à cœur sur mer. Partez bien vite, tout vous invite, sous le soleil de cœur sur mer. Des filles blondes chantent sur l'onde, sous le soleil de cœur sur mer. Tentez la chance pour les vacances, venez, venez, à cœur sur mer. Venez, fuyez la ville et ses faubourgs. Venez, c'est la plage d'amour. Chaque semaine, laissez vos peines, prenez le train pour cœur sur mer. Sans plus attendre, venez apprendre comment on s'aime à cœur sur mer. Rêvez de trouver l'âme sœur, pour rêver d'étancher votre cœur, pour rêver d'aimer sous le ciel bleu, pour rêver de vivre heureux. Alors, j'ai trouvé ce que vous cherchez. Alors, venez sans hésiter. À quelle place, quel paysage, vous trouverez à cœur sur mer. Partez bien vite, tout vous invite, sous le soleil de cœur sur mer. Des filles blondes chantent sur l'onde, sous le soleil de cœur sur mer. Tentez la chance pour les vacances, venez, venez, à cœur sur mer. Venez, fuyez la ville et ses faubourgs. Venez, c'est la plage d'amour. Chaque semaine, laissez vos peines, prenez le train pour cœur sur mer. Sans plus attendre, venez apprendre comment on s'aime à cœur sur mer. Oui, venez, il n'y a pas d'hiver. Oui, venez, à cœur sur mer. Oui, venez, le ciel est toujours clair. Venez tous, à cœur sur mer. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Voici donc quelques chansons portugaises, donc, et voici un petit coucou aussi à Florian. Estás bem distante, tu queres estar comigo. as noites quentes de verão, a mulherada a gritar, vem Zé, não digas que não. Dou um pezinho de dança em qualquer arraial, e se for com Joizinho, ninguém leva mal. E eu adoro bailar, não sou só de uma mulher, pois quando chego à festa, todas querem o Zé. Mas também estou abusado e convencido também, que para ficares do meu lado, tens que te portar bem. Ai, eu agarro uma todos, mas um de cada vez. Eu avio todos, eu avio todos. l'instant, les compagnons de la chanson « Si tu vas à Rio ». Rio, n'oublie pas de monter là-haut, dans un petit village caché sous les fleurs sauvages, sur le même son. Des amis qui vous tendent les bras, on ne les connaît pas, mais ça ne fait rien. On se tutoie au petit café de minuit, on y voit des belles de nuit qui reprennent en cœur la chanson du cœur, et c'est ça la vie. Le jukebox vous met le cœur à la noce quand un refrain d'Aznavour vient rôder autour de l'amour, de l'amour, de l'amour. L'Italie, c'est Marino Marini, viens rêver à Napoli pour un tout petit louis. Le patron se frotte les mains, les affaires ça marche bien. Pour un Auvergnat, le client est roi, seulement faut payer. Recta, si on fait du sentiment, c'est la mort de l'établissement. On ne fait pas crédit pour le paradis au café de minuit. Au petit café de minuit, danse, danse les souris. Jusqu'au petit jour, la java d'amour. Car la nuit, les chats sont gris. Monsieur Léon, c'est le chasseur, il connaît tout ça par cœur. Do you want to see beautiful lady? Envoyez le bonheur. Le jukebox fait toujours marcher les gosses, mais vers 2h du matin, comme on est câlin, c'est Chopin, c'est Chopin, c'est Chopin. Viens chérie, tu m'emmèneras loin d'ici, tous les deux on va rêver, c'est tout à côté. Au petit café de minuit, par le cœur de mon Paris, un cœur de néon rythmant sa passion, un coup il est un coup. Ça s'allume et ça s'éteint, c'est comme ça jusqu'au matin, où meurt dans la nuit le petit paradis du café de minuit. Voici un nom qui s'appelle Diana et son titre s'appelle Le tourbillon d'automne. Je n'espère plus personne et les feuilles de l'automne tourbillonnent, tourbillonnent comme autant de regrets. Au lointain, la cloche tinte et je songe à nos étreintes, à ces beaux bourreaux sans crainte. On s'aimait, oui, on s'aimait. Un jour, tu repris ta route dans un adieu éperdu. Et depuis ce temps, j'écoute monter les bruits inconnus. Mais soudain, l'orage crève. Dans la pluie tombant sans trêve, j'entends comme dans un rêve, jamais plus, jamais plus. Maintenant, c'est la nuit et j'entends le vent. D'attendre le passé vient me reprendre et je crois que c'est vrai. C'est l'amour qui recommence, le printemps qui danse, danse, les lilas qui se balancent et je te sens là tout près. C'est bien ton bras qui m'enlace, c'est bien tes yeux éperdus, et nous retrouvons nos traces au fond du sentier perdu. Mais je n'entends plus personne, et les feuilles de l'automne tourbillonne, tourbillonne, jamais plus, jamais plus. Voici donc Georgette Plana avec La France en rose. Il est une couleur qui dispose à la douceur, à la gaieté. C'est pas le noir, mais bien le rose, car c'est la couleur de l'été. Et les Français, pour cette cause, de tous les temps, l'ont adopté. Chez nous, les filles naissent dans les roses, aussi nos filles sont jolies. Jolie comme un bouton de rose, du midi de Picardie, comme un pommier de Normandie. Chez nous, tous les baisers sont roses. Rostand a su nous affirmer qu'ils sont de tout petits points roses, que l'on s'amuse à semer sur les jolies du verbe aimer. Chez nous, tous les lauriers sont roses, et ton panache Cyrano à nos reflets des couches en rose, quand le soir descend si beau comme un drapeau sur un chevau, sur trois marches de marbre rose, nos rois, nos reines ont dansé dans ces palais aux bougies roses, que de beaux jours ont passé, la belle ira les ramasser, lorsqu'un monsieur nous indispose, l'envoyer coucher. Chez nous, on l'envoie sur les roses. On peut ainsi le moucher sans risquer de trop l'écorcher. Chez nous, les scandales sont roses. Et quand on en découvre un bien, on nomme ça le pot de rose. Ce qui est un bon moyen pour masquer tous les pots de vin. En bois, on voit toute la vie en rose, nos petits ennuis se noient, ça nous met le cœur en joie, et c'est pour tout ça, je suppose, que sur toutes les géographies, on fit toujours la France en rose, pour montrer que ce pays est le plus beau des paradis. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. C'est aussi ça. Donc bien, voici donc le retour avec l'accordéon. L'accordéon, bah, vous pouvez le retrouver aussi le dimanche entre 13h30 jusqu'à 16h. Le dimanche.

96.2. La FM en couleur. the know-how. Yeah. La FM en couleur. Big rock concert at the Hollywood Bowl. And later on that evening at a cafe on the strip, the king of country music met the queen of rock and roll, and he said, "Baby, won't you try just a little bit country?" She said, "Honey, you got to get down, down, down, down, down, down, baby. Never lose this country. Oh, now, honey, I think we found a brand new sound." Saved hers from the rock and roll. She bought the whole dang state. Now she's singing in the kitchen while it sings a cat a call. And late at night the kids can hear us whispering through the wall. Baby, won't you try just a little bit country? New sound. jukebox puis les bouteilles de bière. A cold and lonely, lovely work of art. Or just a cold and lonely, lovely work of art. Come on and shake a while. Come on and try it a while. Get out and on the floor. Take it up to your feet, get sore. Put me in a dancing groove. I want to jump and shout when I see you working it out, yeah. Come on, baby, drive me crazy. Come on, woman. You're looking like I know you could. You're really knocking them dead. You got me talking out of my head, yeah. Come on, baby. Drive me crazy. Work it out, mama. Ah, wait. Come on, sing. Sing it out, baby. Do the twist now. Dance with the God that gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand underneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Ooh, oh I know. That the music's yes, fine, like sparkling oh, wine. Go and have your yes, fun. Oh, I know. Laugh and sing. Yes, but while we're apart, oh, don't give your yes, heart to anyone. Yes, cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, say the last dance for me. Ooh, baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I would never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, you can dance. Folk carry you can on dance. Till the night is gone dance. And it's time you to can go. Dance. You can dance. If he asks, you can dance. If you're all you alone, can he take you home? You must tell him you no. Cause don't forget who's taking. So darling, say the last dance for me. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you Des étoiles plein la tête. Tes cheveux, de tes jupes que trousse du regard le soleil, et la gouache des fleurs sous des nuées d'abeilles, des matins insolents qui effacent l'hiver, des étés qui étouffent de leurs bras incendiaires, des rires qui se brisent pour se laisser pleurer, sur des mélancolies par l'automne insufflé. Oh j'en veux encore, et ne jamais cesser de sentir dans mes veines cette vie palpitée aussi belle que belle, j'en veux encore. Je le crie en colère au milieu du vacarme. Je finirai mon verre jusqu'à la dernière larme.

Je donnerai tous les jardins de Monte-Carlo. Théâtre Chardin, là j'en garde un, Colombe et Charles, pour une nuit dans vos bras, Sarah jolie, Sabra. Je donnerai tous les jardins de Monte-Carlo. Je donnerai Sèvres et Seguin, tous les ponts d'Arles, Gog et Gauguin, l'eau du Jourdain, faut qu'on en parle. Pour une nuit dans vos bras, Sarah jolie, Sabra. Je donnerai Sèvres et Seguin, tous les ponts d'Arles. Je donnerai Vichy, Verdun, Sigmund Neckar, dit Tyrolien, Suisse italien, qui chante Karl. Mais vous dans d'autres bras, dormez jolie Sabra, loin de Gauguin, loin des jardins de Monte Carlo. Des étoiles plein la tête. Antimissier grosso modo, antimissier mal élevé, antimissier la cagilo, télé danser et puis moi, antimissier tout flaguette. Sugar.

arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris des rires qui éclament et rebondissent autour de moi.

Barra Pizza vous accueille tous les midis, du lundi au vendredi et le soir, du mardi au dimanche, dès 17h30. Barra Pizza, deux routes d'Orléans à Chingy, à côté du 7 discothèque. Ensemble.